enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. Enfants de tout pays, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fajette Nancy, 94.2 pour les Lorrains. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork, c'est le numéro 21, à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation de ce jour vous propose du zouk antillais bien sûr, trois coups de chapeau à une artiste franc-comtoise avec un accent coupé au couteau, Magali Boll, et un voyage musical en Mongolie, et une promenade sur le mot cheval, allez, une promenade à cheval, tant qu'à faire. Place au zouk. Une chanteuse de zouk, mais pas que. Stony a appris à chanter très jeune, en famille, à l'église, et a été bercée par le gospel. Elle commence sa vie active en tant qu'aide-comptable, et c'est en 2011 qu'elle se lance dans la chanson. Elle chante aussi bien en français qu'en créole, Maman Stony. Et si seulement je pouvais te parler,

ou Lambator, 1 million d'habitants. Retenez bien, je vous interrogerai la prochaine fois. Et puis Erdenet, 70 000 habitants, Daran, 70 000. Alors, vous savez qu'en Mongolie, on est un petit peu susceptible. Alors, il y a des boulettes qu'il ne faut pas commettre. Par exemple, hop, je t'ai volé ton nez. Vous savez, le pouce intercalé entre l'index et les majeurs a en Mongolie une signification bien précise qui équivaut à un doigt d'honneur. Hein, oui, quand vous faites ça à un enfant, les parents ne sont pas contents. Et de même, on ne tapote ni la tête ni le chapeau d'un enfant. C'est compris ? Ok. Merci, merci, oh merci, merci, merci, merci. La langue mongole fait un bien moindre usage des formules de politesse. On ne remercie qu'une fois. Et on part du principe qu'un service doit s'accompagner en retour d'un autre service. Alors, remercier sans contrepartie concrète, merci, merci, merci, merci, c'est sortir à trop bon compte. Et ils n'aiment pas les Mongols. Autre chose, dit chauffeur, c'est quand qu'on arrive ? Alors ça, c'est assimilé au parler blanc. Et on est persuadé que c'est le genre de question qui va attirer le mauvais œil. La crevaison, la panne ou autre, oh là là. Autre chose, gentil éleveur, de combien d'animaux est composé ton troupeau ? Ah ben ça, c'est encore du parler blanc. Cette question va attirer le mauvais œil. Ah bon ? Alors, oula, oula, oula, là, oh, mais on ne passera jamais ce passage à gué. Parler blanc encore. Le mauvais œil. Et si un problème se pose, eh bien, c'est sûr, ce sera de votre faute. Munkbat Machin Zaya. Oh, La chanson « Le petit cheval » est encore appelée « Stiwall ». Elle est d'origine anglo-saxonne et elle a été adaptée en français par Pierre Delanoë. Chanson du XVIIIe siècle. Oui, oui, j'ai bien dit XVIIIe siècle, la Révolution. Elle fut créée pour célébrer la victoire d'un cheval blanc, attaché à l'âne, sur une jument grise lors d'une course hippique en Irlande. Et les origines du cheval de Stiwall étaient modestes, alors que la jument grise appartenait à un riche propriétaire, et la chanson rend hommage symboliquement à la victoire du pauvre sur le riche, le cheval blanc Hugo Frey. Il s'appelait Stiwall, c'était un cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans. Notre pauvre père, pour acheter ce pur sang, avait mis dans la ferme jusqu'à son dernier franc. Une femme, parfois une enfant qui croit dur comme fer en l'amour, qui rêve de se marier en robe blanche et d'avoir des enfants. Bon, quelqu'un de simple qui travaille et pratique sa passion en même temps. Fan de salsa, fan de Whitney Houston et de Céline Dion, timide. Elle a mal au ventre avant chaque spectacle. Elle adore voyager. Juste une femme. Mais Dieu sait combien les femmes sont compliquées. Pourtant, Sandra Ninor. Moi, je t'ai toujours aimé.

devant. Mais un jour, dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière. Il est mort par un éclair blanc, tous derrière lui, devant. Il est mort sans voir le beau temps qu'il avait donc de courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant. Darius Denone est un auteur, compositeur, interprète et arrangeur français originaire des Antilles. Très jeune, il effectue des concerts de guitare et gagne la phase éliminatoire du Rêve Antillais, un concours de chant parrainé par Kassav. Il sort son premier album en 1998 et aujourd'hui, Darius Denone est entouré de son ami de toujours, Christian Yeye, ainsi que de son principal arrangeur, Patrick André, Mes larmes, Darius Denone. Je ne pense. troisième coup de chapeau à Maggie Ball. Sont contents les jeunes entassés dans les bars. Sont cool les jeunes accoudés au comptoir. Ils s'en foutent les jeunes de porter un costard. Et s'éclatent les jeunes jusqu'au dernier dollar. Ils n'ont pas de boulot les jeunes. Ils n'ont pas de pognon les jeunes. Ils perdent au loto. Ils perdent au morpion. Ben, ils s'en foutent les jeunes. Ce qu'ils veulent, c'est être heureux et amoureux. Les jeunes, Maggie Ball. Donc souvent, ceux qui passent leur temps quand même devant MySpace, c'est quand même les saloperies de futurs chômeurs, c'est-à-dire les jeunes, quoi. Et puis là, il y en a hein, quand même, hein. C'est bien, parce qu'ils auraient pu être devant Dailymotion, hein, parce que c'est retransmis en direct, ça aurait été... c'est vachement mieux hein, de faire un concert devant ton ordinateur, c'est sympa en fait. Sont contents les jeunes, entassés dans les bars, ils sont cool les jeunes, accoudés au comptoir, ils s'en foutent les jeunes, de porter un costard, ils s'éclatent les jeunes jusqu'au dernier dollar. Ils ont pas de boulot, ils ont pas de poignons, ils perdent au loto, ils perdent au morpion. Mais ils s'en foutent les jeunes, parce que ce qu'ils veulent les jeunes, c'est d'être heureux et amoureux. Et y a toujours une belle pour remuer des cervelles à coups de caresse, à coups de tendresse. Et puis qui se fait la belle, mais c'est que cette hirondelle, elle caresse sa jeunesse. Sont contents les jeunes, entassés dans les bars, ils sont cool les jeunes, accoudés au comptoir, ils s'en foutent les jeunes, de porter un costard, ils s'éclatent les jeunes jusqu'au dernier dollar. Ils ont pas de travail, mais ont le moral. Ils étudient jusqu'à minuit. Tout ça pour être chômeur, se faire traiter de branleur. Mais ils en rient, ils disent qu'ils aiment la vie. Ils se prennent des bitures sans penser au futur. Ils vivent la nuit au jour le jour. Ils se lèvent à 14 heures et veulent l'argent du beurre. Mais leur malheur, c'est que there's no better. Sont contents les jeunes. Entassés dans les bars, ils sont cool, les jeunes. Accoudés au comptoir, ils s'en foutent, les jeunes. De porter un costard, ils s'éclatent, les jeunes, jusqu'au dernier dollar. Ils ont tous des fringues de la marque Nick. Ils parlent en verlan, dansent la tectonique. Avec leurs pantalons en dessous du caleçon, ils se la jouent fachon. Qu'est-ce qu'ils ont l'air cons. Mais on leur dira pas, ça servirait à quoi. On va pas gâcher leurs belles années. Surtout qu'en y pensant, quand on avait 15 ans, on était au mieux, aussi con que. Et ils sont cons, ces vieux, qui engueulent la nuit. Les jeunes qui fêtent le fait d'être en vie. Surtout que les vieux cons, qui critiquent la connerie. Ceux-là, souvent, n'en sont jamais sortis. Et ils sont cons, ces jeunes qui salissent la nature. Ils sont cons, ces jeunes, quand après une biture, ils s'éclatent le crâne contre un platane. Ils ne pensent même pas à ceux qui nettoient. Ils ne pensent même pas à ceux qui nettoient. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un stagiaire sympathique. Il s'appelle Ilan et c'est lui qui, pour l'instant, œuvre à la technique. Alors, j'ai l'habitude de poser une question à cette heure-là dans Patchwork. Est-ce que tu as faim, Ilan? Est-ce que tu as faim? Oui, il a faim. Bon, très bien. Alors, il faut vous dire que Ilan, il a beaucoup de cheveux. Et ça me rend extrêmement jaloux. Alors, si tu as faim, ben, nous allons partir en Mongolie. Et les traditions culinaires mongoles, composées d'aliments simples et peu variés, ravissent rarement le visiteur. En clair, ça veut dire que... Bon, c'est pas top. Les Mongols sont des grands amateurs de viande fraîche ou séchée. Alors, dans les viandes, il y aura surtout du mouton, qui accompagne les pâtes, le riz ou la soupe pho, P-H-O. La viande peut également fourrer les beignets ou les ravioles. En légumes, les choux, les pommes de terre, les carottes sont présents, mais en petite quantité. Et à midi, en été, les Mongols consomment essentiellement des aliments blancs, produits laitiers, fromages divers, lait de jument, crème de lait, avec des beignets. Et en guise de dessert, on mangera un fruit en ville, des gâteaux secs dans un village et une grande rasade d'airag à la campagne. En boisson, le thé au lait salé avec du beurre. L'airag, c'est un lait de jument fermenté, pétillant, qui titre à peu près à 2 ou 3 degrés d'alcool. Et l'arki, alors là c'est du lait de vache distillé, il titre 12 degrés d'alcool, c'est fort et le goût réveillerait un mort, cela dit, à consommer avec modération. La vodka russe, ou fabriquée localement, elle est gaie, les fêtes, mais fait également des ravages dans la population. Allez, chanson mongole, Nadashi Ajima. Galop

Et c'est à Jean Ferrat que nous allons laisser le soin de conclure cette émission avec cette chanson de 1980, Un cheval fou dans un grand magasin, Jean Ferrat. Je suis un arbre, un vélo, une orange, un grand bateau, un café sur le zinc. Je suis un fleuve, une hirondelle, un ange, un cheval fou dans un grand magasin. J'aime bien Julie, Lulu et le grand Jacques. J'aime le vin, le sucré, la jolie, le pain trempé dans un aphrodisiaque, les giboulées sous un grand parapluie. Le pain trempé dans un aphrodisiaque, les giboulées sous un grand parapluie. J'ai visité les Indes, la Belgique, les noirs, les blancs, les jaunes, les bossus. À cloche-pied, j'ai traversé l'Afrique, et d'est en ouest, les pôles nord et sud. Bref, j'ai tout vu, j'ai tout fait, plus encore, tout exploré, tout comme tout goûté. Les minéraux, les faunes et les flores, les gens d'ici, les singes d'à côté. Les minéraux, les faunes et les flores, les gens d'ici, les singes d'à côté. Pourtant, hélas, je cherche encore la femme qui aimera mes folies, mes secrets. La femme fait la rose pour ma flamme, ma grande amour pour la vie, pour de vrai. Pour elle seule, je veux être une orange, un grand bateau, un café sur le zinc, un arbre, un fleuve, une hirondelle, un ange, un cheval fou dans un grand magasin. Un arbre, un fleuve, une hirondelle, un ange, un cheval fou dans un grand magasin. Et c'est ainsi que prend fin Patchwork. Il me reste à remercier Yves et Hilal pour la réalisation technique et vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, n'oubliez pas la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy. Pour les Lorrains, c'est sur 94.2. Et pour les autres Européens, c'est sur le net, fagette.net, en ligne. Au revoir.